T'es pas mère. Maman, ils sont pas mères. Oh non, la télé. Je leur passe la télé. Et pour payer les droits d'image, merci, bon week-end. C'est sur la 3, monsieur. Vous passez sur la 3. Je sais. C'est quoi, c'est en fait, tu regardes des décibels. Ah non. Ah d'accord, bon, tu vas l'avoir l'ambiance. Alors, ils sont bons, maman. Bonjour, maman. Tu viens pas dans la parole. Champignon, ça se dit? Non, j'ai pas fait ça. Bonne journée à vous, hein. Madame, vous avez quelque chose ? Non. Eh bien, bonne journée. Hein. Ah, mais c'est ah, ça va, là, ça va, ouais, papy. La la la la la la la la la la. Il n'y a plus de chou-fleur. Allez, c'est plus vite. Plus vite, papy. Ah, bonne journée à vous, hein. Ah, voilà. Bonjour maman. Ça va maman? Au revoir la fille. Heureusement. Ah, non, tu mets normal. 14,50. 14,50 plus 3, 17,50. Les avocats, tu mets les avocats comme d'habitude. J'ai mis vos oranges. Et mes oranges, qu'est-ce qui m'a pris mes oranges là? On arrête. Moi, je t'ai donné 17,50. Après, il n'y a plus de sous. Marie, ça m'a volé mes oranges. 17,50. 18 et 2, 20. Voilà, Manou. À la semaine prochaine, les oranges. Ça va, la blonde? Impeccable. Ça va, Mie? Combien t'en faut? Un kilo, ça fait 2 euros. C'est les dernières, j'ai plus rien. J'ai été dévalisé, ma petite maman. Oh, faut mieux comme ça. Faut mieux comme ça. Tiens, loulou. Non, il prend l'ambiance de David. Ouais. Non, mais c'est ça, le wow. Comment j'ai dit, c'est pris 2 sous. Ouais, si, 5 pour 3 euros. J'en mets 5. Alors, on a les 3 kilos. Et les bons kiwis. La semaine prochaine, on prend plus. Oui, c'est ça. Non, donc je vais double. On est pas là. 3 et 2, 5. 5 euros, ma vie, pas moi. Et après, c'est vous aussi. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait plus que ça. C'est pour une semaine alors, t'as l'avocat. Comme ça, il y aura un kilo pour ma chine. On partage. Il n'y a plus de mandarine. La bonne son, j'aime bien la bonne son. Mon cœur, tu dis, je t'aime. Tiens, on nous en 4,50. Il avait 10 kilos en face. Il avait 10 kilos en face. Je t'ai mis quoi de côté, toi? Le chou fleur, en tout cas, t'es mis de côté. Ça roule. Voilà, loulou. Si je te dis 5,50, 3,5 et 2. 6 et 4, 10. Non, pas des cuivres. Tu ne seras jamais violé ici. Volé, je veux dire. Merci. Désolé, loulou. Au revoir, mais c'est un bon coup. 3 euros le sac, toujours des bonnes, hein, maman. Et des oranges, ah bah, italiennes. Ok, impeccable. Ouais, mais ça va. Tu vas goûter, cousin. Voilà. Allez, on va goûter l'orange italienne. Et bien, donc, je fais ça pour la semaine prochaine. Le rose, si, viens. Au revoir, à la semaine prochaine. Ouais, le tout, il est là. La pute de... Bah de pomme, bah non, tu aurais dû dire terre. Tu aurais dû dire terre, tiens, le loup. Ah bah, tu, mes avocats, tu me les laisses dans ta cuisine et t'as le temps. Tu me les laisses là-dedans et au bout de 3 jours, tu regardes, ça va être le temps. Oh, les avocats, tu les fais, ouais, ça m'a mis. Et... Hé, hey, tu vas te régaler, hein. Oh là là, un bouquet de fleurs, attention. Ah bah ouais. Ah, bonjour jeune homme. Enchanté de faire votre connaissance, petite dame. Waouh, c'est grand. Et comme moi, alors, je t'ai mis quoi, Loulou? Ananas? Non, non, je t'ai mis... Oh, 2,5, 5,5, 5,5, 8,5. C'est ça, ma copine? Jamais tu seras violé ici. Volé. Après, j'ai coupé le champignon, raconte. J'ai dit ça, ma mère, elle dit que ça me dérange. 8,5, hein, lui. Merci beaucoup. 8,50. Je vais mettre le restant, je vais faire un prix. Hé, les Italiennes, frère, les oranges sanguines, non. Ah, ouais. Ça, mange le restant. Ah, t'as pas le goûter. Salut, loup. C'est des oranges sanguines. Le monde est passé. La, la, la. Et c'est pour quel but ?